Bonjour, direct samedi le 4 février. Bonjour, direct samedi. Bon. J'ai de la misère avec mon ordinateur, ma connexion. Bonjour, samedi direct du 4 février. Bon. Il y a du son. Il y a du son. Toujours la même affaire, hein? Bonjour. Oui, monsieur Pinard, est-ce qu'il y a du son? Oui, bon, excellent. Bon, qu'est-ce qui... Très oui, OK. Bonjour, Trinity. Clémentine, on vous entend. Ça fonctionne bien, bon. Oui, il y a du son, oui, tout est parfait. Vous avez peut-être vu, bonjour Annick, Jean-François, il y a un ballon chinois qui a traversé l'espace aérien canadien et américain. Puis il aurait pu l'intercepter dans le secret, là. Il y a des avions avec des crochets pour récupérer les ballons météo. Bonjour Jacinthe. Puis je pense qu'ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait exprès pour nous mettre ça, bon. Faire peur. Donc, bon, ça veut dire que est-ce qu'il faut qu'on considère, bonjour Marie-Jeanne, est-ce qu'il faut qu'on considère que le NORAD n'est pas très efficace, ils sont pas capables d'intercepter un ballon de baudruche? Bon, c'est un petit peu, je trouve pas ça inquiétant par rapport à la Chine, je trouve ça inquiétant par rapport au NORAD. Ils sont pas capables de. Bonjour Dominique. Donc, bon. Ça, il y a eu deux ballons. Il y en a un qui a survolé l'Amérique du Sud aussi. Donc, bonjour à vous. Bonjour, Max, Marie-Jeanne. Patrick C. il a parlé de karma. Je ne sais pas c'est qui. Vous savez, je suis personne. Bonjour, fauteuil réparé. Non, pas encore. Il faudrait acheter des goujons en bois. Des goujons de bois parce que je ne veux pas juste le coller, là. Je veux le réparer pour vrai. Puis bon. Non, c'est pas réparé. C'est pour ça que je suis de côté un petit peu. Donc, bon, faut aussi que je prenne des serres. Vous savez, là, c'est comme des étaux de menuisier, puis tout ça, c'est à mon entrepôt. Donc, bon. Comment un ballon peut se rendre aussi loin? Ben oui, surtout avec le froid qu'on a là, en ce moment. Bon. Bonjour Valérie. Ouais, c'est très étrange. C'est ben, étrange. Monsieur, non, ça sert tout le monde. Ça fait l'affaire ça fait leur affaire de pouvoir nous faire peur avec ça. Puis bon, finalement, c'est. Il n'y a rien là. Mais je trouve ça inquiétant par rapport au NORAD. Ils ne sont pas capables d'intercepter un ballon. Il aurait pu l'aller. Il y a des avions pour ça, puis il aurait pu le ramener sur une base. Puis même si, bon, il peut avoir été programmé pour s'auto-détruire. Donc, on le laisse en suspension quand même. Puis bon, vous n'avez pas besoin de réparer votre fauteuil. Ben oui, mais oui, ben oui, je ne vais pas laisser ça comme ça fait une pointe à serrer. J'ai pas envie de que la chose blesse, là. Il coûte assez cher comme ça. En tout cas. J'ai bien rigolé. Moi, je peux pas vous dire que je trouve ça très drôle, là. Des fois, je trouve ça dommage, hein. Il n'y a plus aucun fournisseur de meubles de qualité. Il n'y en a plus. Dès que je vais dans des magasins de meubles, c'est de la cochonnerie. C'est de la cochonnerie. Je voulais acheter à un moment donné un divan, un Chesterfield. Donc, je vais voir dans les bon, maudits choses. Je vais voir dans les magasins de meubles, puis c'est affreux. Je veux dire, tout ce qu'ils vendent maintenant, c'est affreux. Il n'y a plus de divans normaux. Vous savez, juste un sofa normal avec une jupe, là, pour pas que la poussière. En tout cas, est-ce qu'il y avait des sujets, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez parler? Peut-être que ce ne sera pas long, là, ce matin. Ces temps-ci, je suis pas très patient. Pas très patient. Puis, bon, on compte les jours, hein? jusqu'au 24. 34 personnes. Il y a sûrement des choses. Non? Bon, ben là, je vais être obligé d'aller voir les journaux, là. voir un artisan qui fait les meubles pour la réparation de votre fauteuil. Ben non, je vais le faire moi-même. Je ne vais pas payer. Je suis capable de le faire. À l'époque, faute de trouver des meubles de qualité, je me suis démarré une shop de meubles sur mesure. Ah oui, ça peut être très payant, ça. Annick qui rit, je ne sais pas de quoi. Le fameux 24, oui. Bon, ben là, on attend ça avec impatience. C'est certain. De toute façon, si c'est pas ça qui se passe, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Donc, bon, est-ce qu'on va se retrouver officiellement en guerre? Ça se pourrait, ça. Donc, bon. La notion de karma hier, c'était ardu. Pouvez-vous expliquer en quelques mots la façon dont vous voyez les choses? Je vois pas les choses, moi. C'est des choses que je vois pas. Dans le sens que c'est des notions que je trouve encombrantes. C'est ça, ma façon de voir les choses. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Souvent, ce qui est le problème, c'est des choses qui nous encombrent ou que c'est de la pollution. Donc, bon, on arrête de donner de la, Il faudrait à un moment donné arrêter avec ces affaires-là. Je commence réellement à être allergique à tout ce qui vient des théosophes, tout ce qui vient de l'anthroposophie. Mais allergique grave, là, dans le sens que c'est rendu, ça me crée une colère automatique. Ça me crée une colère automatique parce que, encore une date, ben oui, je ne crois pas qu'on s'en rende compte trop. Nous, au Québec, au sujet du 24, ben, ça vient du Québec, ces affaires-là. Donc, il reste que ça vient du Québec, ces idées-là, ces histoires-là, dans le fond, là. Donc, ouais, Glenn. Ben, lui, il se dit, il est en communication avec faut le croire sur parole, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Puis c'est tout le temps au compte-gouttes, hein? Il nous donne l'information, là, comme c'était. Dans le fond, c'est tenir en haleine un public. C'est tout. Puis je voulais un petit peu de misère avec ça. Personnellement, je ne m'attarde aucunement à ces notions, karma et autres patentes. Ben oui, ça ne donne rien non plus. On n'a pas besoin de s'attarder à ça, là. Dans le sens que, bon, c'était à la mode beaucoup. Dans les années 70-80. Puis, ceux qui ont le plus parlé de ça, je pense, c'est Daniel Kemp, puis je pense Ménard aussi. Mais je suis pas sûr, là. Je ne les ai pas assez écoutés. Les gens seraient surpris de savoir à quel point j'écoute rien. J'écoute pas grand-chose. Quand j'écoute des choses, c'est pour. J'ai hâte de voir comment il va récupérer après le 24. Moi aussi. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Pardonnez-moi, mais il se passe quoi le 24? J'en ai perdu un bout. Ben, le 24, c'est supposé être le rendez-vous. Au début, c'était un rendez-vous pour toute l'humanité, il y a 40 ans, quand ça nous avait été sorti. Là, c'est rendu rendez-vous, genre, se rendre. Puis finalement, après, là, c'était rendu la noosphère qui descend. Après, c'était rendu le paraclet. Puis après le 24, je ne sais pas ce que ça va être. Ben, hâte de voir. Puis c'est juste parce que, bon, un petit côté guénon des fois, hein, dans le sens que, bon, des fois, je me dis que je vais avoir fait partie de certaines choses de loin comme observateur, puis finalement, c'était pour. Bonjour, bonjour, Lou. J'ai rêvé d'enlèvement collectif dans un ovni géant. Je me suis demandé si c'est possible d'induire des rêves précis par la technologie, les ondes pour influencer. Ben juste la suggestion, si on peut considérer ça comme de la technologie. En tout cas, la technologie sert de support pour suggestionner. Ça, c'est l'évidence même. Bonjour, Isia. Bonjour, bonjour, Jean. Donc, c'est possible. De toute façon, on est. Les rêves, là, je deviens. Il y a de la manipulation, hein. par les rêves, pas nécessairement par des. Avec des êtres qui vont faire un deal avec les dirigeants de ce monde. Ben oui. Ça part bien mal, ça. Hein? Ça part bien mal. Les deals devraient être faits avec la population générale, pas avec de la pourriture. Dans le sens que, bon, regardez, au Québec, là, c'est comme si, au niveau les groupes initiatiques, c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si ça n'existait pas. Personne n'en parle. Prenez en France, là, qu'est-ce qui est sorti dernièrement? La loge Atanor. La loge Atanor qui commanditait des meurtres. Il n'y a pas de ça au Québec, hein? Non, il n'y a pas de ça. Quand il y en a un qui est sur le bord de crever, là, il sert de pare-feu pour les autres. Comme là, il y en a un Anglais, milliardaire dans Montréal, qui est en train de crever du Parkinson. Il a le système nerveux complètement fini. Puis il est en train de servir de contre-feu. Hein? C'est le prêt à payer vers la fin de sa vie pour avoir été laissé tranquille toute sa vie. Imaginez, quand les victimes venaient déposer plainte, quand les victimes venaient porter plainte, l'avocat du gars était là pour les intimider, semblait-il. Il y a un problème, là. L'enquête, elle ne devrait pas être sur lui, entre autres, mais sur la police. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. J'ai vu un post de Michel Thomas suggérant que un contact extraterrestre ou extra-plan avait servi à monter ses énergies et à le reprogrammer au point de vue du contact avec l'esprit. OK, l'esprit a besoin de. Bon, ben, comme je ne suis pas au courant, j'ai constaté que de simples pensées se manifestent via le web, Google, Facebook, sans que j'en ai même parlé à qui que ce soit, observation intéressante. Ben, l'affaire, c'est qu'on peut intuiter. La technologie, c'est sûr que ça va jouer. Prenez à la fin des années 80, début 90, il y avait beaucoup de phénomènes télépathiques liés au téléphone. Donc, au niveau de votre psychisme, c'est sûr que ça va jouer avec la technologie. Donc, oui, j'ai remarqué aussi. Ah, eh bien, c'est drôle, ils arrivent même pas, moi, à mettre des publicités qui m'intéressent. Il y a certains journaux, là, il y a des publicités, puis vous pouvez envoyer un commentaire à Google. J'envoie tout le temps exactement le même commentaire. Publicité inintéressante. Ils sont toutes inintéressantes. Donc, l'intelligence artificielle, sont même pas capables de. Prenez, là, ils capotent, là, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui écrit des dissertations. Ben oui, si vous demandez à l'intelligence artificielle, est-ce que ça fait mal aux vaches quand elles pondent? Ben là, l'intelligence artificielle va vous écrire une dissertation comme si les vaches pondaient des œufs. C'est pas intelligent, c'est pas de l'intelligence, c'est pas. Ces milliardaires, faudrait qu'ils partagent avec le reste du monde, je sais pas, parce que déjà, il faudrait qu'ils arrêtent de voler les gens. Je parle de nos gouvernants. Là, on va se rabattre sur des. Je suis pas sûr, là. Je suis pas sûr que c'est comme un petit peu de misère, parce que ça fait penser un petit peu quand il y a des confiscations. Prenez Charles-Maurice Talleyrand-Périgord qui a fait c'est lui qui a rédigé la liste pour confisquer les biens terriens puis de tous les monastères en France. Puis c'était sous prétexte de redonner au peuple. Est-ce que c'est le peuple aujourd'hui qui mène? Ben non. Ben non. Bon, en tout cas, la technologie, ça peut aider. Moi, si j'étais devenu milliardaire par mes propres moyens, je voudrais. Je compte, non, non, non. Oser essayer de m'enlever mon bien. Puis, de toute façon, des gens comme moi, le système va tout à tout faire pour que l'on ait le moins de moyens possible. C'est pour ça que j'achète même pas de billets de loterie. Hein. Je sais, je gagnerai pas parce que c'est surtout si c'est acheté avec une carte et bon. Ils vont pas me donner les moyens d'être encore pire que je le suis, dans le fond. Déjà, assez un paquet de troubles, puis j'ai pas de. La technologie, ça peut aider comme faire du mal. Ça dépend qui utilise la technologie. Moi, on peut le voir d'une façon neutre. C'est un outil. C'est un outil. Le problème, c'est que on fait exprès pour nous donner des outils. Je veux dire, l'outil est neutre techniquement, là. les gens qui, bon, sont pas neutres, eux autres. Donc, bon, c'est supposé d'être ça le deal avec eux. Ah, oh, ouais. Bonne remarque, ils nous volent, alors ils ne feraient que nous remettre ce qu'ils doivent. Ben là, non, les milliardaires, c'est pas tous des voleurs, là. Il y en a qui ont réellement réussi par leur intelligence. Moi, je parle des gouvernants. Je parle de les démocraties représentatives. Les groupes liés aux politiques. Quand on nous parle de collusion, on ne nous parle jamais de certains groupes. Puis pourtant, c'est moi, c'est la première chose que je regarderais. C'est la première chose où je dis pas la première chose où j'irai voir. Moi, je parle aussi des gouvernants. OK, moi. Ben, prenez les retraites en France. Il y a beaucoup de gens dans la rue là, pour 2 ans. C'est 2 ans de plus. Mais ben, il y a eu pire que ça dans les dernières années en France. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais bon, de toute façon, voyez ce que ça a fait, les gilets jaunes. Puis ça a surtout donné des prétextes à l'État pour voter des lois. Prenez le convoi de la liberté. J'avais dit, ça va être une grosse déception, ça. Ben, ça a servi de prétexte pour. Là, il y a Trudeau qui recule là, sur. Ils ont peur de perdre l'appui des rednecks, je pense. Les logiciels comme ChatGPT vous mettent en péril certains types de travail relatifs à du traitement de données. À mon avis, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, ça ne m'inquiète pas plus qu'il faut ça. De toute façon, ça continue. Dès qu'une rédaction bien faite, bien rédigée, va être présentée à un professeur, ils vont automatiquement penser que c'est ça. Alors que je l'ai testé un petit peu, là, leur logiciel, puis c'est pas fort. Je trouve pas ça fort. Ça va certainement s'améliorer, là. Mais non, je veux dire, de toute façon, c'est tellement. Moi, j'avais des troubles des fois avec certains professeurs. Ils pensaient que c'est pas moi qui rédigeais mes choses. Pourquoi? Parce que ce que j'avais écrit, eux autres n'auraient pas été capables de l'écrire. Mes parents devaient venir à l'école. Quasiment, là, la main sur la Bible pour dire, ben oui, c'est lui qui a écrit ça. Il l'a écrit devant nous sur la table de cuisine. Puis, bah, tout d'un coup, mais aujourd'hui, ils ne me croiraient pas. Ils ne me croiraient pas. Puis, même si j'avais mes parents qui viendraient m'habiller, m'appuyer. Bonjour, Mimi. Ça devrait être trop marrant à l'école. Ça devrait. Non, moi, je n'ai pas trouvé ça drôle. J'ai pas trouvé ça drôle. Ils ont tout fait pour que j'haïsse l'école. Même l'orienteur, il a tout fait pour me convaincre de ne pas aller à l'université. Il dit, tu vas te battre contre l'université. Ils vont te mettre dehors. Puis ça va être la guerre. Tu n'aimeras pas ça. Tu n'aimeras pas ça. Hein? Ben, les autres, c'est leur job, c'est de trier. Donc, je n'ai pas pris la peine de le tester. Je n'ai pas de cellulaire, moi non plus, pour m'inscrire, car maintenant, presque tous les sites envoient des codes SMS de confirmation. Ça devient monopolisant, leur truc. Moi, non, j'en ai pas non plus de cellulaire. Bonjour, Steve. J'ai pas non plus de cellulaire. J'en ai jamais eu. Même, j'avais des proches qui voulaient à tout prix que j'aie un cellulaire. Puis ça fait longtemps, là, c'est dans le temps que c'était des Motorola, là, épais comme ça. Puis, bon, j'en ai jamais voulu, j'en veux pas. Puis finalement, moi, les sites qui envoient des codes SMS, puis. Bon, en tout cas, je n'ai pas de cellulaire pour m'inscrire. Ah, ça prend un cellulaire pour s'inscrire. Moi, ce que j'ai vu en ligne, c'était juste à télécharger pour l'essayer, là. Puis, ça marchait avec mon petit ordinateur. Donc, Marie-Jeanne qui se met avec un Nokia 3210. Moi, je ne connais pas les modèles de téléphone. C'est dans les choses que je connais rien. Si Chat GPT, c'est pas fort et que les profs sont tous épatés de la qualité. Imaginons ce que ça peut être la vraie production sans filtre des étudiants. Moi, mais finalement, non, quand j'y repense à ça, là, C'était l'enfer hein, quand j'étais à l'école. J'ose même pas imaginer comment c'est maintenant. Puis là, on nous rabat les oreilles dans les médias. Là, les élèves sont violents. Il y a de la violence. Puis comme ce n'était pas consécutif aux 2 années qu'ils ont vécu. Bonjour, Zo357. Donc, mais quand je repense à moi, quand j'étais à l'école, c'était violent. C'était violent. C'est juste que ça passait pas aux nouvelles. Ça passait pas aux nouvelles. C'est tout. Mais c'était très violent. Très, très violent. Puis bon, ça l'a aidé. Moi, je considère que c'était nécessaire d'endurer cette violence-là. Puis finalement, même aujourd'hui, des fois, vous savez, là, sont là, non à l'intimidation, puis blablabla. Vous savez, il y a des mécanismes très subtils au niveau psychosocial chez les jeunes qui vont. Ça a des fonctions, ça. Ça a des fonctions. Puis ça peut même être salutaire pour certains individus. Quand quelqu'un, il n'a pas le choix, là. Il n'a pas le choix de se forger le caractère, ben, Max, vous faites des meubles sur mesure. Moi, ben, c'est dans le sens des œuvres de commande, là, de la façon que je le comprends, là. Je pense pas qu'ils mesurent les derrières des gens pour faire les meubles. Hein? Bon matin, Emile. Donc, bon. Hey, je ne suis pas allé voir mes courriels, ça fait tellement longtemps. Ça doit faire presque 6 mois. Fait que je ne le sais pas, peut-être que j'ai des nouvelles de M. Pereira. Mais d'après moi, M. Pereira, je n'aurai jamais de nouvelles. Il était venu me dire, on fait-tu un live ensemble? Ça, c'est comme quand les Weinstein y envoyaient des fleurs à un jeune producteur qui commençait, là. Dans le fond, c'était de l'intimidation. On peut le voir un petit peu de même, possiblement. Mais ça m'impressionne pas. Ma fille, elle a vécu et ça a renforcé son psychisme. Ben oui. On polarise beaucoup, hein? Puis là, il est arrivé un paquet de monde, là. Oh, l'intimidation à l'école, blablabla. Ben là, à un moment donné, c'est l'école, c'est supposé être un apprentissage. Je pensais qu'après les enfants, quand ils arrivent sur le marché du travail, il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de. Voyons, là. De plus. Ça l'a préparé à ce que le monde est général, en général. Ben oui. Ben oui. C'est pas plaisant, mais je suis obligé de dire que c'est les événements souffrants qui m'ont le plus servi et qui m'ont rendu plus forte face à l'adversité. Ouais. Ben c'est un peu comme ça, moi aussi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois ça différemment, mais il faut que le parent soit présent, par contre. Ça dépend. Ça dépend. Faut que ce soit ajusté, hein. Parce que un enfant, que c'est ses parents qui viennent le défendre, il va être encore plus méprisé et encore plus haï, là. Pour ça que, bon, moi, mes parents, ils s'en foutaient un peu, donc j'étais chanceux. Même parcours scolaire similaire que toi à l'école, je reprenais mes professeurs et détestais cela. Cela m'a poussé à être entrepreneur. Bon, vous voyez, ben oui, ça peut faire des choses, des gens beaucoup plus autonomes. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Donc, bizarre, mon dernier message sur le portefeuille numérique a été censuré par YouTube. Ah non, j'ai rien vu. C'est possible. Mais vous savez, il y a de la crosse par rapport en ce moment, là. Il y en a qui ont investi dans des crypto-monnaies, ils vont perdre leur bille, là. Moi-même, cette semaine, j'ai eu de la misère. Bon, des fois, je fais, bon, en moyenne de 52 à 75 $ par jour. Puis là, vers la fin de cette semaine, vendredi, j'ai perdu pas mal. Puis là, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça encore? Il y a eu une petite drop, hein, c'est pour. C'est arrivé aussi à ma fille depuis, elle est devenue très lucide sur. Ah, portefeuille numérique parle de. Moi, on ne parlait pas de la même. Elle est devenue très lucide sur les choses et elle apprend à s'ajuster. Ouais. Ben, on apprend à ajuster aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut développer de l'autorité. Elle n'aurait jamais accepté que j'intervienne, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, c'est donc elle a l'occasion de me parler. Ah non, je veux dire qu'elle a l'occasion de me parler. OK, là, je comprends. Moi, ben non, les parents, à un moment donné, il faut que ce soit ajusté. C'est surtout une surveillance, puis après des conseils. Parce que intervenir directement, là, il y a beaucoup de mots-clés, ne pas dire sur YouTube depuis quelques temps. Ça fait quelques lives que je remarque la censure. Ben, il s'en vient une nouvelle vague là, On le sent, hein? Ils sont à veille de ressortir. C'est pas fini, hein? C'est loin d'être fini. Puis, bon. Mais là, à un moment donné, ça va être le temps de sortir dans la rue. Là, c'était pas tout à fait. De toute façon, bon. On verra, là, ce qu'ils font, là. Mais un que je regarde aller, là, un petit peu, là, c'est Éric Kerr. C'est lui qui a le mandat de. Bon. Comment pouvez-vous encore collaborer à cette économie? Ben pourquoi vous voulez qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voyons, là, il ne faut pas polariser ça. L'économie n'est pas mauvaise d'un bout à l'autre. Là. C'est comme la technologie. Là. Oui, elle a développé de l'autorité. C'est compliqué. Du SUP avec ses proches. Hein, je ne sais pas c'est quoi le SUP. Je reprenais les professeurs parce qu'ils avaient tort, pas pour faire mon malin, mais juste que l'information donnée n'était pas exacte. Exactement. Mais non, aussi quand j'étais jeune, ça commençait. Là. La propagande qui n'avait rien à voir avec ce qu'on est censé apprendre à l'école. Ça n'a rien à voir. Là. Puis, bon, à un moment donné, j'ai remarqué que lorsque j'ai envie d'intervenir, c'est de mon propre vécu qu'il est question et non du sien. Alors j'observe et m'abstiens. Ouais. Ils m'ont mis dans une classe de trouble fête parce que je dérangeais. Ben, vous savez, c'est un peu ça tout le long de la vie, là. Ils classent les gens. Donc, ben d'ailleurs, là, il y a du fichage qui se fait. C'est lié au niveau sanitaire, entre autres. Ben, j'ai vu ça là, dernièrement. Là. Ils vont se mettre à faire des profils fichés par rapport à votre... bon. En tout cas, au Canada, ça va être comme ça. Donc là, ça devient... C'est-à-dire que si vous n'êtes pas adéquatement immunisé pour cause de croyance, ils vont mettre ça aux autres. Ils pensent que des... ils vont mettre ça dans des... ça va faire partie de votre identité numérique. Ces étiquettes-là, ces fiches-là. Mais ça, il y a juste des fonctionnaires qui vont pouvoir le voir. Mais, en tout cas, fait trop frais pour sortir dans la rue. Oui, là, oui. Surtout dans mon coin, avec l'humidité, le vent, il fait autour des 10 températures ressenties, moins 40. Moins 40. Le chat, des fois, il veut sortir. Là, je l'envoie. Là, il reste 2 minutes. Il revient, c'est pas long. Bonjour Lise. Donc, est-ce qu'il y avait des sujets? Bon, je vous avoue que bon. 42 ici en Estrie moins 42. Ah oui. C'est très froid. Très, très froid. Puis là, on nous met ça comme si c'était la fin du monde aux nouvelles. Il fait froid l'hiver au Québec. C'est comme si c'était la fin du monde. On n'a jamais vu ça. Hey! Denis Solange, des gens manifestent déjà des années, mais les manifs, ça ne change rien. Ouais, moi, je ne parle pas de manifs. Autre chose. À un moment donné, il va falloir faire plus que ça. Là, je fais attention. Là. Mais là, on verra dans le temps comme dans le temps. On remarque en France que sortir dans la rue, ce n'est pas suffisant. Les dirigeants disent, ben oui, même au contraire. Ils jouissent de leur pouvoir. Ben oui, prenez André Moreau, la première fois qu'il a voulu faire une conférence en public, ils ont envoyé l'escouade anti-émeute. Il est tout fier de ça. Lui, il s'en vante encore. Chaque année, il y a une période de grand froid. Oui, ça s'appelle l'hiver. L'hiver. Même chose ici, pas chaud. Bonjour, Samab. Ah, vous avez une espèce d'oslo comme moins 46 à Sainte-Foy. En vrai, je commence à penser qu'ici, ça doit pas. Je dois me tromper. Il doit faire encore plus froid que je pensais. Par exemple, je développe. Ben, voyons. Là. Hey, ils savent que je fais des lives à cette heure-là. mon choc, maudit choc. Par exemple, je développe ce que j'appelle la nouvelle économie depuis 20 ans. Et cela n'est pas simplement les cryptos et tout le monde dit « ce n'est pas possible, mais si cela l'est ». Ben, vous savez, moi, tout ce qui est nouveau, des fois, je suis un petit peu... Ben là, ça dépend, là, que vous entendez. Il y a une journée spéciale non-genrée le 3 février à l'école primaire de Saint-Gabriel de Ferland et Boileau, apparemment. C'est le comité des jeunes qui ont décidé cela. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ça fait penser les jeunes qui étaient dans la jeunesse hitlérienne, là, qui étaient en uniforme, assis à table à la maison, puis les parents n'osaient plus rien dire. Parce que tout était rapporté systématiquement. Ça devient inquiétant, là. C'était des petits SA. Donc, je n'ai pas d'Internet à part sur mon cell depuis 2 jours. Ah oui? Ah, eh bien. Coucou Francis. Bonjour à tous. Bonjour. Tofu, l'option, c'est la première fois que je vous vois. Parlons-en de la violence. Ce matin, j'ai été agressé dans le portique d'un HLM où m'était mis à l'abri. On m'a violemment expulsé par un résident. Ben là, il fait froid, là. Oh oui. Ben, il y a des gens qui manquent réellement de savoir-vivre. Il y a une déshumanisation sérieuse. Vraiment, là, c'est assez grave. Vraiment, câble coupé. Ah oui, Mimi, j'avais fait couper, moi, en 2005, le câble. Puis après 15 ans sans la télévision, là, à côtoyer des gens, il aurait fallu que je me réhabitue. Ça a été violent. Ça a été violent. C'est quoi le nom de ton chat? Je lui ai jamais donné de nom. Je l'appelle le petit gris. Coucou Trinité. Je pense que tout est parfait. La situation de ce que l'on vit aujourd'hui, nous l'avons tous créé. Bon, je me sens pas responsable. Ils ne sont pas pressés de venir le remplacer, le replacer. Ah, le parler le câble. Oui, c'est la première fois que je me manifeste. Ah, bon. Non, le câble d'Internet est coupé. Ah, oui. Eh bien, par exemple, c'est une économie transparente, équitable, respectueuse du vivant et des acteurs économiques. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Steve, tous ces gens qui vont, vous savez, des fois, ce qui est juste n'est pas aussi important que ce qui est profitable. Steve, tous ces gens qui vous ont attaqué, ils peuvent se trouver aussi un jour sans toi, surtout aujourd'hui, vu la situation mondiale. Oui, ça pourrait. Ah oui, très. Il y avait Daniel Ménard qui avait établi un plan d'investissement. Je ne me rappelle plus comment il appelait ça. Puis finalement, il n'a jamais été dans une abondance extraordinaire. Là. Jamais eu de câble. J'écoute une minute et descends. Et il ressent une agression, suis-je normal? Ben, bon, c'est une agression. C'est une agression. Encore hier, je passe dans le salon puis il y avait l'émission animée par Stéphane Bureau, Le Monde à l'envers. C'est une constante agression. C'est un panel horrible, là. Richard Martineau, je ne me rappelle plus qui était là hier aussi, là. Mais c'est insupportable, c'est vraiment insupportable, ils sont insupportables. Il y avait la femme à Mario Dumont, elle est rendue avec du vernis à ongles noir. Ils sont tous rendus avec ça, France Baudouin, vernis à ongles noir. On voyait ça dans la haute antiquité, certains types de... bon. C'était un mélange, vous faites ça avec des sabots, là, vous faites fondre, puis vous mettez de la poudre de charbon, puis ils se peignaient les ongles noirs, là, des dames d'un type très particulier. Que pensez-vous des chemtrails, canulars? Là? Bon, il faudra en parler à un moment donné. Ça dépend de quoi on parle. Mais moi, déjà, quand j'étais enfant, la présence et l'observation, alors que la perfection est la polarité. Oui, si on peut dire. Ça dépend si on parle de perfection au sens de perfectionner, de parfaire. En tout cas, oui, même pas intéressé de prévenir la police, ben ça donnerait quoi? Mais il reste que non, mais je comprends pas. Bon, c'est sûr, ça dépend des circonstances, là, mais toujours moyen de... Non, là, j'aurais protesté. Ben, c'est arrivé... En tout cas, d'habitude, non, juste regarder la... un simple regard, c'est pas long, il revient de bord. En tout cas, ça dépend là, à qui vous avez eu affaire. J'ai pas le code télé non plus. Parce que vous avez trois bénéfices, un réel, un imaginaire, un symbolique. Ben là, ça a l'air comme un peu une théorie, là. Dans le sens, je ne suis plus capable d'écouter ce genre de choses, ça m'indispose énormément. Ben moi non plus, c'est parce qu'on me l'impose. Parce que ARP existe depuis 1891. Moi, ça dépend de quoi on parle. Et selon vous, le gars, supposément le Pfizer qui fait des confidences en caméra cachée, comment vous le. Je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Vous parlez quoi, là, le monsieur qui a fait une crise d'hystérie dans un restaurant? De toute façon, ouais, je veux dire qu'on les prenne ou pas, si on le sait, mais là, c'est parce que ça peut servir à d'autres pour au moins voir que l'épandage, c'est très réel, facilement vérifiable. Ouais, ça dépend. C'est parce que l'affaire, c'est pas le même programme, dépendamment des régions. Les filles, à quand du direct, à quand la prise de parole, je ne connais aucune femme qui fait du direct. Il y en a. J'en connais pas, mais. En avoir. Pas de câble depuis longtemps, juste une petite antenne 5 pouces gratuite. Ah oui, j'avais pensé faire venir une patente là, des États-Unis, mais bon. Non, non, non, non. Marie-Jeanne, ça, moi non plus, une incompréhension totale. Hop, là, j'en perds des bouts, je dois partir. Bon, ben, bonne journée à vous, Didier. À bientôt, merci pour votre disponibilité. Ben, il n'y a rien là. Prune de prune, fait des directs. Ah, OK, je connais pas. Je la connais pas. Ben, il y a possiblement. Des fois, je me dis, c'est à faire attention. Dans le sens que, ben, tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous plus tard. Donc, bon. Hein? Oui, Sabrina, très bonne chaîne. Ah, prune est géniale. Je connais pas. C'est là que je me rends compte, j'écoute pas grand-chose finalement. Et c'est pas pour des prunes, OK. Ben, on voit, on assiste tellement à. Bon. Je sais pas, il y en a qui veulent en faire un métier. Ben, pourquoi pour? C'est de la communication. L'affaire, c'est que ça dépend tout le temps, là. Si la personne, elle se prétend. Bon. Des fois, j'ai de la misère un petit peu, là. Ça dépend. Des fois, bon. Ben non. Bon, il y avait ce qu'il y a des choses parce que, comme je vous dis, j'ai pas vraiment de sujet. Puis, bon, c'est quoi donc? Il y a le dernier entretien avec David Lévesque. Des fois, il est politiquement correct, David Lévesque. Je disais que je trouvais que Fitzgibbon, c'était un peu comme un gangster irlandais. Je me faisais penser à ça. En tout cas, je vois une continuité. Je vois un profil. Je disais, oh ben là, des attaques personnelles. Non, non, là, qui attaque qui? Hein? Ce monde-là, à un moment donné, c'est pour ça qu'ils sont décomplexés comme ça. Ça va prendre un petit peu de courage d'appeler un chat, puis il va falloir que ça se généralise. Que ça se généralise, d'oser le dire. Parce que, bon, en développement du. Parce que tant que les gens ne disent pas ouvertement ce qu'ils pensent de François Legault, les gens vont croire les sondages. Donc, en développant du discernement, on peut voir l'esprit passer dans tout le monde. Ben oui, elle prend de l'argent après, je ne sais pas. Finalement, as-tu réparé ta chaise? Ben non, il faut que j'achète des goujons en bois, puis ça va être long, là. Puis là, c'était fermé, la quincaillerie. Prune ne prend pas d'argent. OK. Bon matin à tous. Au début du live avec David, tu semblais un peu irrité. J'ai tout le temps l'air un peu irrité. J'ai pas remarqué. Comment vis-tu le chaos auquel nous sommes confrontés? Ça dépend. Moi, j'ai pas trop de chaos. Pas trop de chaos dans ma vie. La solitude, j'ai aucune solitude. J'adorerais. J'adorerais, mais bon, les gens qui dorment autour de toi, qui ne voient pas ce qui arrive, je trouve cela très difficile. Non, moi, je trouve pas ça difficile. Tout le temps été comme ça. Ce serait bien le restant que maintenant, je trouve ça insupportable. Puis même, je me pense pas plus réveillé qu'un autre, là, dans le fond. C'est déjà plus intéressant, surtout en lien avec le karma. Ah oui, ils ont souci. C'est parce que des choses, ça me. C'est immédiat, hein. Je suis tanné de ça. Je suis tanné de ces affaires-là. Cette espèce. C'est comme l'affaire, là. C'est après, c'était les Atlantes. Les Atlantes. Voyons, là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça maintenant, là? C'est pas les Atlantes qui ont masqué les enfants. C'est pas les. Et on nous a dit, oui, mais les hommes Atlantes, il y a des hommes qui viennent chevaucher. Puis, oh là là là, s'il vous plaît. C'est le camouflage, là, les histoires d'Atlantes. Trinité, elle fait appel à des dons. Je pense pas, je n'ai pas remarqué. Je ne sais pas si vous avez parlé du ballon. Oui, j'en ai parlé. Des dons pour. Il y a des contenus sur YouTube, mais sinon, voir sur Crownbucker, c'est quoi ça? J'ai apprécié ton entretien avec David. Bon, mais tant mieux. Des dons pour avoir un revenu. Trinité, je vous suggère d'aller faire un tour sur la chaîne et vous faire votre avis. Oh. Une chance que Berthold est là quand David parle avec sa voix soporifique. Non, non, il n'est pas soporifique, David. Nous finirions tous au dortoir. Non, non, au contraire. Je ne le trouve pas endormant. Ben, je ne le trouve pas endormant. Puis même, c'est dans les interviewers les plus intéressants qu'il y a eu. Puis interviewer tout le monde. Je veux dire, même Sabourin. Il ne l'a jamais remis, mais il avait interviewé Sabourin. Pas pire. Il fait sa job. Puis même quand il parle tout seul, c'est correct. Bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour, Nathalie. Quand mon regard se dirige vers l'extérieur, c'est pas long que ça me dit occupe-toi de toi. Ben oui. Les entretiens avec David m'accompagnent dans mes heures de travail. Ah, ben peut-être qu'il faudrait faire des podcasts. C'est à la mode, là. La firme McKinsey nous prend notre argent. Ben là, qui lui donne? Dans le fond. Puis McKinsey, c'est quoi ces agences-là? C'est toutes liées, dans le fond, moi je considérais, c'est de la haute trahison, c'est lié à la CIA. C'est lié à des affaires de même, des agences de renseignement. Puis bon, non, non, c'est inacceptable. Puis tu as parlé dans ton dernier live que ceux qui écrivaient à l'envers pour qu'on puisse lire dans un miroir, c'était mauvais signe, peux-tu développer? C'est parce qu'il y a eu une mode de développer ces techniques-là. Puis habituellement, c'était des groupes lucifériens. Puis là, je parle des lucifériens qui s'assument. Puis eux autres, ils ont une doctrine qui est pas loin de ce qu'on a appelé il y a longtemps, au 17e siècle, le jansénisme. Mais là, ça serait compliqué, là. En tout cas, ça serait long. Je n'ai jamais entendu Trinité demander de l'argent. Ben non, je pense pas qu'elle en demande. On n'est pas rendu avec toutes ces conneries de New Age, toujours la même histoire. Ben oui. Ce n'est pas de Trinité que je parlais, c'est de Prune. Ah, OK. Pourriez-vous me dire qui est David? Ben, David Lévesque. Oui, c'est vrai que vous êtes intéressés tous les deux. C'est vrai que j'ai un problème d'endormissement avec David. Seul, il va falloir que j'en parle à mon psychiatre. Ben, là, franchement, c'est même pas drôle. Bon, bon matin, Berthold et tout le monde. Un podcast avec Berthold et l'oiseau manqueur. Moi, ce que j'attends, c'est s'il fait une entrevue là, avec le monsieur qui s'intéresse au climat. Ce serait intéressant, ça. David Lévesque. Samabokeh, c'était pas clair. Ah, je sais pas. La solitude fait partie de ma vie et je me sens très bien avec. Elle m'est indispensable. Par contre, je deviens un peu plus intolérant face à l'inconscience des autres. Pourtant, je veux dire, on n'a pas le choix de s'habituer, on n'a pas le choix de faire avec. Donc, bon, c'est pas grave. Puis même là, c'est à différents degrés, c'est pas tout. Ben, c'est vrai qu'il y a du monde de ma famille que je côtoie pas du tout, parce qu'ils ne veulent pas me parler. J'ai un cousin qui est psychologue, puis lui, en plus, il est dans une hiérarchie liée à un CLSC. Puis c'est un cadre, hein? Puis lui, il a embarqué. Une planche là-dedans. Puis là, il est en train de payer des. Je pense que son fils va devenir un médecin. Mais ben, franchement, je pense que son fils a plus de chances de devenir une drag queen qu'un médecin. Puis ça confirme ce que je pensais sur ce type d'éducation-là, le type de personne qui est mon cousin. Le fait qu'à mes yeux, c'est un traître ou un imbécile, là. Mais bon, moi, toute personne qui a collaboré, on est rencontré à Ruda, hein, mon cousin, moi, toute personne qui a collaboré puis qui ferme sa gueule, là. Je vais arrêter là, là. Est-ce que David est parent avec vous? Non. Ben non. Il vient de. On ne vient pas de la même région. Que pensez-vous de ceux qui interviennent sur le net et demandent des dons pour vivre? Ça dépend. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il y en a que ça ne me dérange pas du tout. Il y en a d'autres. Il y en a, là, ça allait jusqu'à 25 000 $ par semaine dans les pics. Puis. En tout cas, ouais. Pouvez-vous préciser pour le ballon au-dessus des États-Unis? Il y a un ballon chinois, un supposé ballon météo. Il y en a deux, en fait. Il y en a un qui est passé au-dessus de l'Amérique du Sud. Les Chinois disent qu'ils les ont échappés. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que les Américains ne l'ont pas intercepté. Puis c'est eux, on a un contrat par rapport à la NORAD. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Trinity, mais si la situation est bloquée pour celui qui donne sa vibration, ben, ça veut dire que, bon, voir le lien chez Bertel dans la dernière vidéo. Ah oui, ouais, même avis que toi, Trinity, je n'ai jamais demandé de cash à personne sur ma chaîne YouTube, à moins d'être riche et avoir rien à foutre de son cash ou même là. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais faire du cash aussi avec mes niaiseries. Ben, tu serais surpris. Tu serais surpris. Oui, il y en a, ils ont pas plus d'abonnés que nous autres, là. Puis, ils font pas mal. Je veux dire, ben, si on prend David, je pense que ça n'a jamais été. Bon. Mais. Il reste que. Non, je vois pas de mal à demander de l'argent. Ça dépend tout le temps. Ça dépend tout le temps. Ça dépend. Ça dépend. Parce que moi, j'ai bien de la misère. Il y a du monde qui a. Bon, tu sais, genre, ils ont fusionné 6-7 fois, là, puis ils font partie de la régence planétaire, puis c'est comme un métier, là. Ils ne demandent pas d'argent, mais c'est parce qu'ils pluguent un commerce. Ils pluguent un commerce. Puis à mes yeux, c'est. Bon, on va arrêter là. Que Dieu nous pardonne pour notre imbécilité. Ben oui, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un non-sens? Techniquement, qui donne l'intelligence à l'homme? Donc, si on est imbécile, c'est consécutif à une volonté au-dessus de nous qui nous veut comme ça. Donc, vous ne trouvez pas qu'il y a un non-sens que Dieu nous pardonne? On est fautif d'être naïf? Allez-vous dire un petit bébé naïf, il est fautif, s'il faut lui pardonner son imbécilité, je veux dire, c'est un peu ça, les gens. Donc, une fois qu'on comprend ça, on ne peut pas en vouloir au monde. Bonjour Bertel, tu t'es débarrassé de tes brûlures d'estomac? Si oui, comment? Je me suis débarrassé de mes brûlures d'estomac par un mélange fait par un apothicaire chinois. Puis, c'est des herbes. C'est des herbes fermentées. Dans une affaire, c'était spécial, ça goûte, c'est difficile à décrire. Puis là, il fallait que je prenne ça le matin et le soir. Puis au début, il m'avait dit, ça va te donner mal à la tête. Puis je le croyais plus ou moins, je le voyais. Puis oui, les premiers jours, j'ai eu des céphalées. Puis finalement, mais il reste que le traitement a duré plusieurs mois, puis ça a parfaitement fonctionné. Donc, c'était vraiment une affaire de pH, puis de. Mais finalement, c'est la seule chose que j'ai jamais eue qui a fonctionné. Les médecins, ils me prescrivaient des entacts, des conneries de même, tellement que je ne les écoutais plus parce que ce qu'ils me prescrivaient pour mon estomac l'endommageait encore plus. Donc, en même temps, si tu es dans le besoin, il y a de la job en masse dehors d'Internet. Ben oui. Ben, là, c'est sûr, ça dépend de la situation de chacun. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Ça a parfaitement fonctionné. Je trouve bien de pouvoir encourager David Lévesque. Wow, là, ça va trop vite, là, j'en perds. J'ai pas le temps. Ça dépend. Voyons. Je trouve bien de pouvoir encourager David Lévesque pour avoir accès à son intelligence. Ben oui, ça dépend si la personne qui demande De l'argent incline, par exemple, David incline, oui, je suis sûr, 100%. Il n'est pas lié à des structures obscures dans l'invisible. Ben, ça, c'est difficile à vérifier, non? C'est difficile au départ, quand on prend conscience de l'observation du réel, de ne pas se faire leurrer. Les pièges sont partout. Avant de réellement arriver à s'ajuster, ça prend une vie. Ouais. Vous avez un remède contre les migraines? Non. Mais j'ai tout à penser que c'était surtout psychosomatique, les migraines. C'est possiblement quelqu'un qui pourrait régler ça. C'est possiblement un chiropraticien. Souvent, c'est des nerfs au niveau des vertèbres du cou qui engendrent ça. Puis à la moindre tension, il y a des blocages. Puis les gens, bon, ce qu'on appelait anciennement un chiropracteur, je pense qu'il appelait ça. Le ballon voyage probablement depuis des semaines, donc il n'aura de laisser ce ballon entrer dans notre espace. Ça sent la diversion. C'est ce que je pense aussi. De toute façon, je vais être franc avec vous autres, la polarité Est-Ouest, j'y ai jamais cru. Je pense que c'est du théâtre. C'est pour ça que je suis ni pro-Zelensky ni pro-Poutine, parce que je pense que c'est du théâtre. Puis que, bon. En tout cas, désolé, je n'ai pas vu votre commentaire. Ah. Là où je commence à avoir un problème avec le cash, c'est quand il faut payer 1000 pièces pour avoir accès au Graal de l'information supramentale. Ouais, il y a de quoi qui marche pas, là. Ben moi, c'est parce que si on me fait payer 1000 pièces pour quelque chose, c'est mieux d'en valoir la peine, parce qu'après, je vais revenir. Je vais revenir, puis je vais dire, ben là, ça valait pas ça, là. Ils vont dire, ouais, merci, toi, blablabla. Ouais. Un instant. Un instant. Parce que moi, j'ai payé quelqu'un en consultation 125$ l'heure. Puis ça valait pas ça. Ça valait pas ça. Mais fallait, je vérifie en personne. Donc, ça devient abusé de la naïveté des gens qui cherchent la connaissance. Ben oui. Puis en plus, surtout que le supramental, c'est pas de la connaissance. En tout cas. Là, finalement, la personne que j'avais payé 125 $ en ostéopathie, moi, peut-être, la personne que j'avais payé 125 $ de l'heure, comme ça, de visu, j'ai pu voir que je n'avais pas affaire à quelqu'un d'éveillé. Pas du tout. Réellement pas du tout. Puis d'ailleurs, quelques années après, quand il y a eu l'affaire, bon, le COVID, puis tout lui a embarqué à 100 000 à l'heure en prenant pour du cash tout ce que les médias disaient. Donc, il va falloir que je cesse bientôt, là. Les migraines que j'ai sont liées souvent au fait que je suis trop dans ma tête, intellect. Ben, moi, je pense qu'il y a du psychosomatisme beaucoup dans les migraines. Mais comme je vous dis souvent, c'est lié à des nerfs, là. Je n'aimerais pas de nom, Marie-Jeanne, mais pour un prix abordable. Wow, là, ça va trop vite. Pour un prix abordable, tu peux acheter la psy-science, moi. Ah, l'homme nouveau, tu sais, genre, il y a un homme nouveau, puis c'est lui, là, puis il vend des outils. Moi, il y en a qui sont venus se plaindre que c'était de l'escroquerie. Puis je commence à être tanné. D'ailleurs, c'est pas ce monsieur-là que, quand il prend une photographie avec sa femme, il monte sur une petite caisse pour être de la même hauteur qu'elle. C'est ridicule, c'est ridicule. Moi, j'ai eu des conjointes plus grandes que moi, puis j'étais fier, content, les belles grandes femmes de même. Bonjour à tous, trouves-tu? André Pitt, prêt pour un Alex Jones, version cheap? Bon, je m'en occupe pas trop des autres, mais ouais. Moi, ce qui me dérange, je suis. Bon. Je sais pas, là. Il y a des affaires qui sont jamais abordées. Jamais, là. Jamais, jamais, jamais. Donc, on peut se poser des questions par rapport à certaines structures, on va dire, des clubs sociaux. On va dire ça comme ça. Les gens vont se mettre dans la merde avec ces influences de croire qu'on va vous donner la clé de votre vie. Voilà. C'est pour ça que moi, je donne une chaîne à personne, là. Je voulais dire 1000 piastres pour la science. Ouais, c'est parce que là, 1000 piastres, là. 1000 piastres, c'est 1000 piastres, hein. C'est pas mal, hein? Ben là, maintenant, je me disais, bon, mis de côté, je me disais, bon, je pourrais donner 1 000 à quelqu'un, mais lui, il n'aura jamais rien de moi. À un moment donné, il est venu sur ma chaîne, monsieur à 1 000 piastres, la science, là, puis c'était pas un gros char. C'était pas un gros char, il revirait de base, ça n'a pas été long, hein? En tout cas, tu as de bons commentaires et assez vite à répondre. Ben, je fais mon possible. Ici, le son est bon. OK. J'ai dû manquer des affaires. On ne t'entend plus. Ah, OK. En France, plus de son. Ah oui. Bon, les renseignements généraux viennent de me couper. Désolé. Désolé. Bon. Ouais, ben voyons donc. Le son est coupé en France. Bon, sont OK pour moi en France. Ah oui, ah, c'est étrange ça. Je me dis, non, les achats des renseignements généraux viennent de me. Hein? Allez voir monsieur ou madame supramental pour libérer la charge de votre porte-monnaie. Ouais. Ici, le son est bon. Bon, hey, Lyon, là qui habitent des belles villes, sont OK. Bon, OK. De toute façon, je vais devoir arrêter bientôt. La CRS t'écoute. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais ils ont dû se rendre compte que je n'étais pas intéressant. Je fédère personne. Je n'ai pas de structure. Moi aussi, son hacheur au Québec, quitter, revenir, ça se replace. Ben, j'ai presque fini, là. Si tu connais la paralysie du sommeil et les expériences qui sont reliées, ça ferait un bon sujet. C'est un phénomène récurrent, rare. Chez 0,25% de la population, ça, je l'ai vécu beaucoup dans l'enfance. Dans l'enfance. Mais bon, ah non, ça va mieux. J'ai éteint et rallumé. OK. Quelques coupures qui ne durent pas. Bonne journée à tous, je dois quitter. Ben moi aussi, je vais quitter. Donc, bon, ben, bonne journée à tous. Puis, bon, ben, je ne sais pas cette semaine ce que je vais faire. J'ai bien aimé ton intervention sur le mythe des Atlantes dans la vidéo avec David, même que les races racines se basent là-dessus. Ben oui, je trouve que c'est de la croyance, moi. Mais la Blavatsky a récupéré des choses que ça n'est pas toutes d'elle. Les gens, même ceux qui sont des adeptes de la théosophie, là, pur et dur, sont pas au courant il y a des choses, sont pas au courant. Sont pas au courant. Saviez-vous que cette femme-là, c'est un hermaphrodite? Ben oui, son mari est un militaire, c'est une Ukrainienne. Elle s'était mariée avec un vieux militaire, là, M. Blavatsky. Puis le soir de la nuit de noces, là, quand il a vu ça, là, il est parti, puis il n'est plus jamais revenu. Il a envoyé de l'argent à Paris. Son père aussi, là, c'est pour ça qu'il a pu se promener de même. Puis... En tout cas, mais l'esprit, c'est l'esprit qui décide, ça sert à quoi? Alors, d'écouter tout ce qu'elle a, ça sert à quoi? Ben, ça sert à quoi? On se fait du discernement. C'est à force d'entendre des conneries qu'on les repère. Mais ça, l'affaire que la Blavatsky était hermaphrodite, c'est pas su. C'est pas connu. Personne n'en parle. Ça, puis un paquet d'autres affaires. Un paquet d'autres affaires. Son histoire, là, les maths, moi, là, les maths, moi, puis ouais, des trappes avec des ressorts, puis il y avait des petits tours de passe-passe. La supposée bague qu'elle a matérialisée, puis à un moment donné, là, les gens, ils avalent n'importe quoi. N'importe quoi. Même Bernard, il pensait que Joseph Smith, le fondateur des Mormons, avait rencontré l'ange Moroni. Il en parle comme d'une réalité. Wow, là, un instant. Avez-vous déjà lu ça, le livre de Mormon? Je l'ai, moi, le livre de Mormon. J'ai tout, hein? Toutes toutes les sectes à un moment donné que je trouvais que je voulais voir c'était quoi. J'ai des livres d'éloges. J'ai des taupes qui m'ont envoyé des livres. J'ai lu leurs affaires. Je le sais à quel point c'est. En tout cas, hermaphrodite, Blavatsky comme une lémurienne. Moi, ouais, ben, elle avait une malformation génitale très importante. Moi, je pense que c'est une hermaphrodite, mais on n'a jamais su en détail. On n'a jamais su en détail. Même Bernard. Ben oui, Bernard, il croyait à ça, que le fondateur des Mormons avait rencontré l'ange Moroni. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Des plaques d'or, puis de lire ça, la face dans un chapeau. Là. Wow, un instant, là. Un instant. Lui, c'est ce supposé prophète-là, savez-vous comment il est mort? Lynché par la foule. Il est mort lynché par la foule, Joseph Smith. Avez-vous vu les bâtisses des Mormons, leurs églises? Comment c'est gros? C'est rempli, c'est toutes des petites pièces, c'est des labyrinthes. C'est spécial, là. Puis leur principale activité, c'est de la généalogie parce qu'ils baptisent des morts. Mais ça, c'est pour occuper les oies. Occuper les oies. Bon. Ça sert à cramer sa naïveté. Ben oui. Ça sert à cramer sa liberté. Blablavatsky. Ben oui, ben là. Blablavatsky. Il y a un paquet de choses par rapport à cette femme-là. C'est scandaleux. C'est réellement scandaleux. J'ai dit vraiment de travers, eux autres. La Alice Bailey, puis tout ça, puis la Lucy Trust. Puis prenez juste Auroville en Inde. C'est parrainé par l'UNESCO, hein? Vous pensez qu'il n'y a pas de lien avec la Lucy Trust et ces affaires-là, vous vous trompez. Puis à Auroville, il y a des viols. Il y a des enfants tamouls qui se font violer par des Européens qui vont vivre là. Puis c'est plein là, de témoignages. Puis quand il y en a un qui parle trop, oups, suicide, il est retrouvé pendu. Moi, je pense qu'il est suicide, mais il y a plein de choses, là. C'est inacceptable. C'est réellement inacceptable. Puis bon, moi, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. C'est quoi leur plus grand accomplissement à Auroville? Ben, ils ont bâti la plus grosse balle du golf au monde. Le matrimandir. Ouais, ouais, c'est bien beau. Pendant 2-3 secondes. C'est bien beau pendant 2-3 secondes. Ben après, ouais. Hein? C'est pas Notre-Dame de Paris, là. Heureusement, ils iraient mettre le feu dedans. Mais bon. Ah oui, c'est vrai le discernement. Comment acquérir les connaissances? L'esprit va nous l'apporter. Pas nécessairement. C'est parce qu'il y a une différence entre un savoir et les connaissances. Ce que vous savez, vous le savez. Il n'y a personne qui a à vous l'apporter, c'est déjà là. C'est juste d'enlever ce qui est dans le chemin. Donc, ses yeux ont l'air d'une folle. Ah, ça, c'est la Blavatsky. Bref, moi, je m'inspire pas confiant. Disons, là, non. Dès que quelqu'un est excentrique à ce point-là, il y a de quoi qui ne fonctionne pas, là. Elle se mettait des turbans avec des plumes de pain, puis... Non, non, non. Ça va faire, là, la Francine Grimaldi de l'ésotérisme. Mais voyons, là. Même Francine Grimaldi n'était pas ridicule, là, même. Le feu est censé brûler toutes ses mémoires des races. Moi, ben là, c'est pas une raison pour aller mettre le feu dans les églises, s'il vous plaît, là. Hein? Elle fait peur, la Blavatsky. Ben, peur. Moi, je la trouve ridicule. Mais le ridicule tue. Si on n'en parle pas beaucoup. Toutes les mêmes games. Horrorville. Ah oui, Horrorville. Horrorville. Puis, je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis, au Québec, on a eu Madame de Sergerie. Les sciences cosmiques. Ça, c'est un petit peu un mélange entre la cosmogonie d'Urantia puis d'autres affaires. Puis, bon, c'est spécial. Ariane, la femme de Macron. Bon, c'est pas un homme, là, c'est rien qu'une... Bon, c'est vrai qu'elle est laide comme un singe, mais c'est pas une preuve que c'est un homme. Là. Moi, je pensais que Lib Blavatsky ou Bailey, c'était wow dans les années 80, puis là, je me trouvais in de connaître. Maintenant, je dois tout défaire, un esti de détour, mais bon, ben oui. Horreurville, ouais, c'est pas même ce que je pense. Ben, pour avoir capturé Bernard, elle peut faire peur. Ben oui. Encore aujourd'hui, en Californie, là, il y a des places où il y a des ashrams où Aurobindo puis la mère sont adorés comme des avatars. Puis ils leur font des offrandes musicales. Puis là, ils sont tous là, les yeux dans la graisse de bine devant leur portrait. Là, puis, Aurobindo mira... C'est une honte. C'est une honte. Puis, je vais être franc avec vous autres, je pense que la Californie va être détruite. Je pense que la Californie est une terre maudite, puis que ça va être détruit, puis ça me fait pas de peine. C'est sûr qu'il y a des innocents qui vont, bon, hein, mais à un moment donné, là, c'est en train de pourrir toute la planète. Bon, il va falloir que j'y aille le show. Tu penses quoi des invités d'Aiglène? Il y en a un qui a été dans un avec un distributeur de nourriture. Là. Hey, Trinity, j'ai pas eu le temps de vous lire. J'ai pas eu, je l'ai écouté, le monsieur, l'espèce de Suédois, là. Puis il a fallu que je m'y reprenne par trois fois parce que c'était plate à mort. C'était plate à mort. Pour quelqu'un qui est allé dans un vaisseau spatial puis qui a eu contact avec de la technologie et ça, il n'a pas l'air trop. Puis il n'y a rien de fracassant à nous apporter. Juste quelqu'un qui voyagerait dans le temps puis qui irait, je veux dire, quelqu'un de notre époque qui irait à la Renaissance, il y aurait plein de détails à amener qui seraient fracassants. Alors, rien! Rien de nouveau, rien. C'était plate à mort. C'est de l'hostie de bullshit. C'est de l'hostie de bullshit pour vendre des livres. C'est ce que je pense. Puis, Glenn, lui, il va avoir reçu tous les escrocs, hostie. Il passe tout chez Glenn. Moi, je le vois de même. Puis, c'est de la collaboration, dans le fond, parce que gratte-moi le dos, je te gratte le tien. Puis, c'est sensationnaliste. Puis, il sait que ça marche. Puis, bon, c'est ça. Mais. Je ne crois pas une seconde, je l'ai tout écouté, le bonhomme. J'ai eu de la misère, c'était plate à mort. C'était plate à mort. C'est tout le temps de plugger son livre, puis de plugger son livre, puis de plugger son livre. Ah, oh, ça, je ne peux pas en parler si t'as le livre. C'est tout le temps de même. Calice de Christ, de Saint-Sacrilège de l'Empire de. Faut pas que je casse mon autre à coups d'oie. Faut pas que je casse mon autre à coups d'oie. En tout cas. Ah bon, on est perdu, là. Il va falloir que je quitte, va bientôt être capote, j'ai de la famille. Ben oui, j'espère pour vous que, bon, qu'il y en a qui vont avoir de l'intuition de s'en aller quand ça va être le temps. Prenez en fin de vidéo sur Astana, au Kazakhstan, où il y a la pyramide, vraiment. Ouais. Puis, eux autres, au Kazakhstan, c'est comme l'Azerbaïdjan, là. En tout cas, petit gris, ça s'appelle. OK. Ouais, j'ai lié, petit anneau. Respect pour Sri Aurobindo, quoi. Mais le lieu est devenu morbide. Ben oui, j'ai supprimé quand je n'avais pas fini ma phrase. OK. Ben l'affaire, c'est que Aurobindo lui-même, il ne voulait rien savoir. Hein, il n'aimait pas le mot ashram, puis ce qui se créait. C'est pour ça qu'il a comme délégué ça à la mer. À ça prême un peu et tout. Moi, j'ai tout ce qui se passe par Glenn. Ça dépend. Il y en a du bon monde qui ont passé chez Glenn. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est comme quand. Bon, même dans la mafia, il y a du bon monde. Il y a des gens bien. Ben, ils vendent du rêve avec Glenn. Moi, je dirais du vent. Du vent. Ils vendent du vent. Me demande c'est quoi lui aussi, ça, Glenn. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au niveau de son expérience personnelle, moi, je sais que quand j'ai écouté l'émission qui est avec son fils, puis Spiral, c'était malaisant. Son fils, il est tout pogné, là, puis il est de même, puis il est là, puis l'autre, là, est assis dans le fond du divan. Puis là, on sent qu'il y a une tension, là, c'est pas. On sent pas une famille unie. On sent pas une famille unie, puis on sent qu'il y a de plein de. Pognage. Il y a plein d'affaires. Hein? Il y a plein de. J'aime autant. Bon, du coup, je n'ai pas de mes affaires, dans le fond, là, mais Chris, c'est public. C'est public. Hein? Bon, les humains sont une honte. C'est eux qui font des êtres, des dieux. Ouais. Mais une honte, comment on fait pour avoir. Il faut être extérieur à l'humain pour vous, en tout cas. J'ai hâte à son émission pour le 23-24 février. Qui sera, se passera absolument rien. Là, faites attention. Faites attention. Parce que moi, je sens qu'il y a de la manipulation là-dedans, dans le sens que peut-être que Glenn, c'est une victime, puis il est manipulé. Puis peut-être qu'il va se passer de quoi. Donc, on verra. C'est la mort de Glenn. Ben, je pense repos. Il vend du vin. Ben oui. Votre projet d'édition, beau. Vous savez, je ne suis pas fort sur. Ah, vous êtes revenu, Madame Urbanski. À votre avis, d'où venait l'inspiration de Kate Rainier? Nixium, merci. Ben, ces sectes-là, moi, je trouve que c'est comme ils ont regardé ce qui se faisait. Donc, moi, ça me fait beaucoup penser, entre autres, à la scientologie, un petit peu mélangée avec d'autres affaires. Mais je n'ai pas étudié ça assez, Nexium. Mais à mes yeux, c'est surtout une mafia. On dirait que c'est lié à du trafic de personnes. Moi, je le vois de même. Donc, bon, il y a peut-être quelque chose en arrière de pas loin des structures comme on connaît. Genre, ben, j'ai parlé plutôt la loge Atanor en France qui commanditait des meurtres. C'est très grave. C'est très grave. Puis ils vont tout le temps avoir une couverture ésotérique ou liée à l'alchimie parce que l'Atanor, c'est une sorte de four en forme d'œuf. Puis la loge Atanor, c'est une mafia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la mafia. C'est lié aux politiques, c'est lié aux policiers. Il y a même des loges, c'est toutes des polices. C'est toutes des policiers. Bon, je sais, c'est pas fort là, quand vient le temps d'enquêter là-dessus. Je donne mon avis, le 23 février pourrait possiblement avoir rapport avec le temps du processus d'un certain monde. Peut-être. Bernard avait mentionné qu'il se passerait de quoi à ces dates de Glenn. Ouais, Bernard, lui, il parle de phénomènes comme naturels, il me semble. Mais quand tu es dans un état de pas croire, on verra ça tout le monde ensemble au même avenue. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ben, c'est ça. Ils sont déjà à se préparer à dire peut-être qu'on se rendra compte de rien, puis on va le savoir juste 30 ans plus tard. Wow, là. Un instant. Si vous avez la prétention d'être l'homme nouveau, moi, ça se peut que je considère que j'ai des comptes, vous avez des comptes à me rendre. Parce que je ne crois pas sur parole, je veux savoir. Comme si vous avez la prétention de faire partie de la régence planétaire, moi, je considère que vous avez des comptes à rendre, parce que je ne crois pas sur parole, puis ça se peut que je sois un petit peu chié, un petit peu chiant. Ça se peut que. C'est la même affaire pour Glenn. C'est la même affaire, Glenn. Faire bien attention. Parce que soit c'est réel, soit c'est de la style bullshit. Toujours. Toujours. Fait que moi, l'affaire, il faut croire sur parole, non. Non, non, non, non, non. Donc, faire bien attention. Parce que ceux qui prétendent être l'homme nouveau, faire partie de la régence planétaire, d'avoir fusionné 7, 8, 9 fois, ceux qui prétendent avoir vécu la deuxième fusion, puis qui font payer des prix de fou au monde, puis ceux qui prétendent qu'ils sont en contact avec des petits gris, autres que celui qui miaule dans le couloir là-bas, moi, je considère que possiblement, soit vous êtes manipulé, soit vous êtes des manipulateurs, puis je vais toujours être observateur, regarder ça, puis je vais considérer que vous avez des comptes à rendre. Vous avez des comptes à rendre. Un peu comme Guénon y a fait dans son temps, puis de la façon qu'il l'a fait. Parce que c'est inacceptable. On arrive à des temps où on est de plus en plus, on peut se fier à personne, on peut se fier à rien. Puis j'accepterai pas ça. J'accepterai pas ça, premièrement, personnellement, en tant qu'individu. Puis le reste, ben, c'est collatéral, mais tant qu'à faire, bon. En tout cas, Bernard Rabet, OK, il y a une vidéo où on voit Bernard qui le dit à Glenn quand il va rencontrer un extraterrestre, puis là, il lui explique que si tu n'es pas capable de rester centré, puis il est manipulé, ben oui. Ben là, c'est parce que tu es des extraterrestres, premièrement. À quoi on a affaire? C'est quoi, là, ces affaires-là? Les petits gris, c'est pas des extraterrestres. OK, ça, je suis sûr. 95%. Ben là, on verra plus tard. Si jamais j'ai affaire à ça, ben ça se peut que la catin la revole. Parce que je suis un tempérament bouillant, puis ça m'impressionne pas. Ça m'impressionne pas. Je veux dire, bon, on a tous du vécu à un moment donné, puis il y a des affaires que finalement, bon. C'est pas impressionnant. Celui qui porte les fruits de son savoir n'a pas à convaincre les autres. Merci de tes réponses, de rien. Tant qu'à moi, c'est plus vertical que latéral. Ça dépend de quoi on parle. Il y a 4 ans, Glenn avait déjà raconté que ses potes devaient venir le chercher. Dépêchez-vous. Et puis finalement, comme son fils voulait pas qu'il s'en aille, il avait décidé de rester 4 ans de plus. Ben là, laissez-le partir. Voyons, là. C'est quoi les gris? C'est quoi les gris? C'est du folklore puis de la mythologie populaire. C'est possiblement une forme qui encore qui sert à manipuler, tout simplement, ou possiblement ce qu'on appelait anciennement des démons. Moi, c'est bien une valeur, mais comme je prends rien pour du cash, puis bon. Les extradimensionnels, possiblement, peut-être des êtres qui se sont fabriqués des corps synthétiques, qui ont quitté leur demeure. Les êtres qui ont quitté leur demeure, ben, à un moment donné, ça va être la job. La job, ça va être de dire, ben, toi, tu retournes dans ta demeure, puis les forcer à quitter, parce que c'est pas de leurs affaires, ici. Hein? Comme le. Tu sais, je veux dire, moi, mes ancêtres, ils ont défriché des terres, ils se sont fait quasiment mourir. Puis finalement, pourquoi? Pour des compagnies que Fitzgibbon va donner des contrats, puis que. Non, non, non, non. C'est pareil pour les autres affaires, là. J'accepterai pas ça. J'accepterai pas ça. C'est notre planète, c'est nos terres. Puis c'est bien de valeur, mais à un moment donné, à la grandeur du territoire qu'on a, moi, je tolérerais pas de. Hein? Bon, en tout cas, on a la même ADN que les gris et les grands blonds aux yeux bleus. C'est un autre style d'affaires, ça, les astides blonds. Je suis tanné de ces affaires-là. C'est quoi ça fait? Puis souvent, c'est lié au mysticisme nazi, ça. Les affaires de grands blonds, puis la société virile, puis là, comment qu'elle s'appelait la folle avec les cheveux jusqu'à terre, là, que supposément qu'elle est encore vivante. Voyons, là, elle aurait 125 ans. Maria Orsic. Maria Orsic. Bon, en tout cas, hein? Une espèce de version germanique de Farrah Fawcett. Daniel, vous, mais pas moi. Oh, je suis pas là, je suis perdu. L'homme nouveau, dans le fond, on le sait, on ne sait pas c'est quoi une forme de transmutation avec le double, mais encore là, on devient quoi exactement après? Sans nécessairement utiliser les mots. L'enfer, c'est qu'on a eu par le passé des choses qui étaient dites autrement, mais je veux dire, là, on a remplacé les phares, tout simplement. Mais bon. Bon, je n'ai plus de contact, il fait trop fret, mais je peux encore lire. Okay. Ouais, Marie Orsic, ouais, ouais. C'est plein de sectes. C'est plein de sectes que c'est elle, la figure messianique. L'avez-vous vu ça, eux autres? Ça fait penser au système de John Dee, un peu, leur système, leur. C'est assez complexe, hein? Ben oui, j'ai tout étudié ça. Tout étudié ça. Finalement, quand on a fait le tour, bon. Mais moi, je pense que un qui est au courant, Marie Orsic, puis qui est intéressé par ces affaires-là, je pense que c'est Elon Musk. Informez-vous sur l'ADN avant d'écouter des gens comme Glenn. Bernard a dit des choses réelles, mais il nous a trop magnétisés. Ça devient astral, notre compréhension. Voilà. Puis je suis en train complètement de. Si ça continue, je vais le haïr. Je vais le finir par l'haïr. En tout cas, j'espère qu'un jour, les gens vont être assez lucides dans plusieurs décennies, peut-être pour m'haïr aussi. Mais bon, ça va vouloir dire que j'ai fait que je vais avoir. Bon samedi, Bertord. Dommage, je viens d'embarquer, j'ai pu le réécouter plus tard. Ben oui, c'est pas perdu. C'était Bernard qui disait qu'on avait le même ADN. Maria Orsic. Comme Marina Abramovic. Ouais. C'est pas tout à fait la même tribu. Pas tout à fait la même tribu. Parce que la Orsic, ça, c'est des. C'est de l'arianisme, hein, puis c'est du mysticisme nazi. Mais dans le fond, c'est comme les. Ce qui se ressemble se fait face, hein. Ce qui se ressemble se fait face. Donc, bon. Benny Nero, c'est décourageant de faire le tri de tout ça. Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, on arrive à un point où on trie plus, puis on met tout aux poubelles. Tout. Tout. Tellement, ça continue, là, je vais garder juste ma petite Bible, puis ça continue, je vais mettre tout le reste. Bon. Il y en a qui vont être choqués. Il y en a qui vont être choqués. Ben, c'est arrivé des fois, j'avais demandé à quelqu'un, tu penses quoi de le studio à pitre, puis tout, parce que moi, les affaires qui font que j'ai des. Qui me refroidissent, c'est des affaires qu'il y a des choses que c'est pas clair. Que c'est pas clair par rapport à certaines affaires, puis aussi certaines choses qui m'ont été rapportées. Puis finalement, la personne, elle m'avait dit, oh, eux autres sont trop à droite, puis chrétiens. C'était ça le problème qu'elle voyait. Elle disait, oh, ouais, je suis pas pire qu'eux autres, là. Là-dessus, là. J'avoue qu'Elon Musk est un drôle de moineau. Je me demande bien sûr son rôle sur Terre. Ben, moi, je pense que c'est un front. C'est clairement un front. Comme hein, Bill Gates, c'est pas un génie, là. Musk, il est aussi là, plein. Ouais, moi, j'ai aucune confiance en ce gars-là. Comme là, encore là, Mané Pereira, il nous a réitéré à quel point c'est un grand homme, Julian Assange, puis blablabla. Puis encore une fois, pas un mot sur certaines choses qui sont pas connues du public, puis dont on parle jamais. Puis j'ai bien de la misère avec ça. Ben de la misère avec ça. Ah oh, non, là, un instant, là. Il arrive à un moment donné qu'il faut faire face au vide. Et voilà. Ouais. Ouais. Ah oh, oui, parfaitement d'accord. Donc, moi, je vais y aller. Ça fait 1h20. Ah, ben, je pense que j'ai réveillé le voisin. Vive le direct et vive tes directs. Ça brise la solitude en attendant qu'on soit tous bien individués. Bye. Puis merci de tout le monde. Bon, ben, merci à vous. Des astralisations. Ah, c'est beau, ça. Ça fait. Musk, c'est un nouveau monde avec les mêmes outils, comme est le feu, mais avec des intentions différentes. Moi, en tout cas, je n'ai pas confiance. Vraiment pas. Puis bon. Bon, ben, merci à tous. Au revoir.